général a dit fermier, hey, hey, hey, toi qui n'as pas de quoi manger, hey, hey, hey, prends ta machette, viens, suis-moi, lai, lai, lai, et je le suis depuis des mois, lai, lai, lai, chante l'ami plus fort que moi, sois plus ivre si tu peux, danse l'ami, ne pense pas, cette nuit honnête, reviens me parler de ton pays, de ta femme, de ton chant, chante l'ami car tout s'oublie en chantant. Le général a dit qu'il faut, ho, ho, ho, prendre la ville de Tampico, ho, ho, ho, quand viendra l'aube, elle brûlera, lai, lai, lai, et j'ai mon père qui vit là-bas, lai, lai, lai, chante l'ami plus fort que moi, sois plus ivre si tu peux, danse l'ami, ne pense pas, cette nuit honnête, reviens me parler de ton pays, de ta femme, de ton chant, chante l'ami car tout s'oublie en chantant. Vous mes parents, vous m'attendez, hey, hey, hey, dans la maison où je suis né, hey, hey, hey, mais je n'ai plus de ville natale, lai, lai, lai, c'est ce que dit le général, lai, lai, lai, chante l'ami plus fort que moi, sois plus ivre si tu peux, danse l'ami, ne pense pas, cette nuit honnête, reviens me parler de ton pays, de ta femme, de ton chant, chante l'ami car tout s'oublie en chantant. Si j'ai tué, si j'ai volé, hey, hey, hey, j'en ai encore le cœur serré, hey, hey, hey, Dieu me pardonnera le mal, lai, lai, lai, c'est ce que dit le général, lai, lai, lai, chante l'ami plus fort que moi, sois plus ivre si tu peux, danse l'ami, ne pense pas, cette nuit honnête, reviens me parler de ton pays, de ta femme, de ton chant, chante l'ami car tout s'oublie en chantant. Le général nous a promis de l'argent et du pain blanc, et les troupeaux et l'eau des puits, et la terre aux paysans, et dans les rues de Mexico, on nous fera un carnaval, chante l'ami, danse l'ami, et longue vie au général, lai, lai, lai.